Axel Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue sur Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. Restez bien dans votre rocking chair derrière votre tuner. Children of Bonhomme avec ce Downfall, un extrait du deuxième album du groupe paru en 1999. Un groupe qui a ouvert la porte à toute une génération de métalleux qui se sont engouffrés dans toute cette veine du heavy metal extrême. calme et mélodique. Le groupe Children of Bodom, les anciens donc, membres du groupe, ont annoncé qu'ils feraient un concert hommage à Alexis Laiho d'ici quelques temps. Il y a notamment un tribute à Alexis Laiho qui vient de voir le jour sur Reaper Entertainment. Voilà, on va passer un peu de white metal avec le groupe Striper. Heaven Came on Christmas Day, tout de suite, extrait de cet album de chansons de Noël. Voilà, pour se mettre tout simplement dans l'ambiance. Overdrive, Radio Duo, c'est parti pour pas mal de musiques différentes, des plus mélodiques aux plus extrêmes, et bien sûr des plus connues aux plus underground. Sorti sur le label Frontiers Records, ce sera autour du groupe Treat de nous sortir ce wildcard pour les amateurs de hard rock traditionnel avec le morceau Endeavor. Tout de suite sur Overdrive, Radio Duo, de quoi se mettre tout simplement bien Non, Splice. Endeavor, tout de suite, par le groupe Treat. In a dream, then I woke up reinvented. You got hurt, now it seems like we two so still attracted. Yes, Treat, tout de suite, et on va continuer avec Danko Jones qui nous sort son nouvel album Danko Jones avec Leo Rising, et ce sera le morceau I Love It Louder, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Say bien rock and roll punk que ce Danko Jones tout de suite avec I Love It Loud, extrait de son album Leo Rising, et on va voir ça tout de suite avec on va continuer maintenant avec Electric Boys. Ils nous viennent du Danemark, ils sont produits d'ailleurs par le guitariste de Glenn Hughes, Søren Andersen, qui a sorti de super morceaux également de guitare en solo, et on continue tout de suite pour ceux qui aiment tout simplement le très bon hard rock, Electric Boys avec The Grande Explosion, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, pour Electric Boys, vraiment un super morceau, plein d'influences différentes et justement que je trouve assez, assez frais tout simplement, avec une bonne énergie et des influences un petit peu tierces que je trouve super bien fait. On continue maintenant avec le groupe Wild Street et ce morceau « When It's Gone ». Voilà pour le groupe Wild Street avec When It's Gone, tout de suite sur Overdrive. Radio Duo, on continue notre petit bonhomme de chemin, il est maintenant 22h, passé sur le 895 de Duo et on va passer au groupe, qu'est-ce qu'on a calé? Ce sera tout simplement le groupe The Old Dead Tree, ce groupe français qui nous revient avec un EP, The London Session, sorti sur le label Season of Mist. Ils avaient quand même pas mal fait parler d'eux au milieu des années 2000, avec une sorte de métal on va dire, un petit peu progressif, à tendance atmosphérique, voire gothique. Et The Time Has Come, qu'on va écouter tout de suite sur Overdrive, avec un bon retour de Manuel Munoz, qui a notamment fait partie du groupe Acme pendant quelques années. Voilà pour le retour de The Undead Tree, tout de suite sur Overdrive, Radio Dio, pour un retour qui fait tout simplement plaisir. We'll be right back.

venez d'entendre le groupe Virgin Prozac avec cet album Sinecure qui est paru sur le label MNO Music et c'était le morceau Cheer the Queen. Tout de suite sur Overdrive dans une veine assez rock metal alternatif qu'on va continuer maintenant avec le groupe Bukowski qui nous revient avec cet album Cold Lava paru sur Hard Home Records et toujours enregistré par Francis Cast pour leur quatrième album en collaboration et ce sera le morceau 1000 Lives Knives tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre le groupe Bukowski avec ce 1000 Live extrait de leur album Cold Lava tout de suite. Et on va continuer maintenant avec le groupe Evergrey. Evergrey, cet album live, Life Before the Aftermath, paru en plein confinement. C'était en 2021, à l'époque des shows en visio, en streaming. Et voilà qui nous ramène vraiment à toute une époque et qui n'est quand même tout de même pas si loin. A Touch of Blessing tout de suite. Sur l'album Inner Circle, qui reste un bon classique du groupe suédois, un groupe toujours en forme qui nous propose des albums réguliers, des tournées également de qualité. Et ce sera Evergrey avec ce Touch of Blessing tout de suite pour un super groupe de Göteborg. This song goes out to all of you. It's called A Touch of Blessing. Thank you. Good night. Thank you. climb the walls of an endless circle, walking paths you never heard of, struggling in an endless battle, searching far for a higher purpose, drowning in betrayer's river. Come here! The freezing cold will make you shiver. Join the world of greater learning and crown me king and be my servant. So cool, hey. Put aside for the power I have. Voilà pour le groupe Evergrey, une très belle, un très beau moment de live que ça. A Touch of Blessing, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. On passe maintenant au groupe Equilibrium qui jouera du côté du Lyon Metal Fest. Ce sera au printemps 2026. Et on va y passer un extrait de leur dernier album, ce sera le morceau Legends, qui vient de voir le jour sur Nuclear Blast. Equilibrium, tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Et après, le groupe Equilibrium, ça va être autour de Stillbirth avec The Survival Protocol et le morceau justement Trapped in Darkness qu'on va écouter tout de suite sur le 895 de Dio Overdrive. Tout de suite, ce sera le groupe Stillbirth, tout de suite Trapped in Darkness. Mass. Vous venez d'entendre 1349 avec Slaves, extrait de The Winter Mass, et on passe à Jour Pâle. En étouffant nos silences dans une petite mort, et que vive le frisson, la traçant en étant. Regarde-moi cette note nocturne, voilà des raisons de pâle leur dire. À l'espace d'un moment, sans la torpeur, mélange l'oligotrie, il redonne de l'humeur et fait fleurir ce bouquet. La socialité va s'en mourir, tout ce qu'il y a c'est anglais. Faisant mourir, et tout ce qu'il y a né. Il regarde ce poil, il écrit l'histoire. Réplique le déhé, je tue sans savoir. Depuis toujours créé, le temps qui entrait dans des ouvrages massifs et sacrés. Au-dessus de miens, we'll sirène, au sérieur de sirène. Objet de joies éphémères, tu es toujours la mienne. En moi, tes crampes, qui vont si souvent oublier. Comment soyez, ce système la mort brisée. Comment soyez, les étés de mort brisée. Comment soyez, t'es la mort brisée. Passion qui lève à la vie et à la mort. Il y a la tardesse, le renoncement. Et ce charnel, ce portatif, dans sa danse rebelle. Vive le soleil, la sobriété et l'ennui. Dans l'ombre, une mission dans l'air, et tout est brûlé. Vraiment excellent que ce jour pâle, l'essentialité du frisson. Et on va quasiment terminer Overdrive ce soir avec Inhuman Glory et ce morceau Conspiratio. Demo. Light is fading in dark thoughts of grey. Cold nights can take the sun forever. All this madness won't take us from a new day. This is the time for us to live now or never. Voilà pour Overdrive ce soir. On se quitte au son de Host, ce projet parallèle de Greg McIntosh, Nick Holmes de Paradise Lost, avec leur projet bien entendu inspiré de l'album du même nom de Paradise Lost, qui n'avait pas vraiment déclenché la fureur vraiment au niveau des ventes, et qui avait même fait pas mal de controverses par le style très new wave qu'ils emprunchaient. Néanmoins, je trouve que c'est un super album qui leur rend encore une fois un très bon hommage que sur ce nouvel album Host qu'on envoie tout de suite. On rappelle le www.facebook.com/overdrive Radio Dio, www.radiodio.org pour retrouver les nouvelles de l'émission et bien entendu de la radio en général. Merci, ciao, bye bye. Strain, the utmost pain. Feel the strain, the utmost shame. Strain, the utmost pain. Feel the strain, the utmost shame. The end of a dream. Trail to the grave. strain, the utmost pain. Feel the strain, the utmost shame.